L'utilisation des images au cœur de l'affaire du quai de Valmy. C'est un texte écrit par un collectif et publié le 28 septembre 2017 dans Libération et à retrouver donc sur libération.fr. Le procès de l'attaque d'un véhicule de police s'est achevé mercredi. Des spécialistes de l'image dénoncent le poids des photos et des vidéos et rappellent qu'il faut toujours confronter ces procédés à d'autres discours. Le procès de la voiture de police brûlée sur le quai de Valmy représente un tournant du système judiciaire français. Ces jours-ci ont comparu 9 jeunes manifestants soupçonnés d'avoir, le 18 mai 2016, en plein mouvement contre la loi travail, participé à l'attaque et à l'incendie d'une voiture de police sur le quai de Valmy, à Paris. Si le délibéré est prévu pour le 11 octobre, le procureur a d'ores et déjà donné ses lourdes réquisitions. 3 ans d'interdiction de manifester pour tous et des peines de prison allant d'un an avec sursis pour participation à une manifestation ayant dégénéré jusqu'à 8 ans de prison ferme. Cette exigence répressive de la part du ministère public est inique. Elle répond à une intense pression policière et notamment à l'agitation du syndicat très à droite, Alliance. Elle s'appuie presque exclusivement sur le témoignage d'un policier du renseignement de la préfecture de Paris et sur les notes blanches de ce même service. Elle entend faire exemple, au mépris de la justice, pour toute une génération qui s'est politisée à Nuit debout, à Calais aux côtés des migrants, parmi les antifas qui se sont opposés à la Manif pour tous, ou encore à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes. Le tournant judiciaire qui se joue dans cette affaire tient au rôle des images pour certifier la culpabilité des prévenus. Dans sa plaidoirie, l'avocat Antoine Comte a souligné combien cette procédure est nouvelle par les méthodes d'investigation. Tout se fait par rapprochement de vidéos et de photographies. Fin de citation. Celles et ceux qui ont pu assister à l'interrogatoire d'Antonin Bernanos, déjà incarcéré 10 mois et encourant l'une des plus lourdes peines, ont rapporté l'évanescence de l'accusation, qui ne repose que sur le recoupement du fameux récit du témoin policier, aux incohérences manifestes, et d'une série de photos et vidéos policières prises de vues de smartphones ou de journalistes présents ce jour-là. Ces images ne montrent rien. Les protagonistes de l'attaque de la voiture sont tous masqués. La présidence et le procureur invoque, au sujet d'Antonin Bernanos, une série de correspondances vestimentaires entre ses apparitions le 18 mai à visage découvert et son supposé alter ego masqué. Des poches de jeans bombées par un portable et un portefeuille, des baskets noires dont on feint de distinguer la virgule Nike, un caleçon de couleur rose ou mauve ou violet, peu importe, une bague à chaque main. La défense n'a pourtant pas manqué de prouver qu'on peut faire de tels recoupements vestimentaires avec à peu près n'importe quel manifestant masqué ce même 18 mai. Nous, dont le métier est de regarder des images, d'en fabriquer, de les réfléchir, refusons ce que l'on veut faire dire aux images, ce qu'on les empêche de dire, et ce que l'on veut, en leur nom, justifier, la prison. La seule interprétation autorisée de ces images exhibées est le témoignage policier, qu'aucun avocat de la défense n'a pu contre-interroger. L'État, par la voix du procureur, se donne le droit de livrer un faisceau d'images et d'en fixer le sens. Plus précisément, l'État livre des arrêts sur images, c'est-à-dire, selon le mot de Serge Danet, des images arrêtées, des images mortes, des clichés. Un cliché, ce n'est ni vrai ni faux. C'est une image qui ne bouge pas. Pour le parquet, les preuves de la culpabilité indubitable des prévenus sont des images nues, dépourvues de hors-champ, avec pour seule légende le soliloque du pouvoir. Pour en avoir côtoyé un grand nombre, pour les mettre en scène ou les créer, nous savons qu'une image ne vaut rien en elle-même, qu'elle est indissociable d'un discours, d'un montage, d'autres images. Si certains militants ont qualifié cette affaire de montage policier, nous pouvons reprendre le mot à notre compte. L'enquête de police n'est rien d'autre qu'un montage photo dérisoire, marqué par quelques flèches rouges ici et là, pointées vers une chaussure ou un regard cerné sous une cagoule, comme pour dire « la vérité est ici et pas ailleurs ». Parce que nous savons que l'image est une pièce d'un discours. Les images nous ont plutôt appris à douter, à les critiquer, à les confronter à d'autres images, à d'autres discours. Et nous ne saurions ignorer ces heures de l'histoire où les pouvoirs établis ont signifié leur toute-puissance par des mises en scène autoritaires, exhibant clichés et coupables avec ostentation, jubilant de rendre bavardes des images pour détourner, sidérer ou décourager les regards. C'est d'ailleurs à ce souci maniaque de faire avouer les détails, d'ordonner le moindre résidu sensible à la logique de leur obsession ou de leur intérêt, que l'on reconnaît les fausses enquêtes des conspirationnistes. C'est le déchet visuel érigé en icône, la logique du « pas de fumée sans feu », le fétichisme de la coïncidence suspecte. Nous, qui fréquentons les images avec passion et avec vigilance, nous nous garderions bien de prononcer un quelconque jugement à partir d'une preuve qui n'aurait pour seule réalité que ses semblants. Et dénonçons la mascarade tragique qui s'est jouée ces jours-ci. On n'a jamais vu d'erreur s'écrouler faute d'une bonne image. Les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. Citation de Guy Debord. In Jirum imus nocte et consumimur ini. Désolé pour la prononciation. Premier signataire, Éric Baudelaire, plasticien cinéaste, Sandrine Bonner, actrice, Nicole Brenes, professeur en études cinématographiques, Dominique Cabrera, cinéaste, Marilyn Canto, comédienne et réalisatrice, Carmen Castillo, cinéaste, Sylvain Cazes-Creusevaux, metteur en scène, Enzo Corman, écrivain, Béatrice Dahl, actrice, Émilie Deleuze, cinéaste, Marie Desplechin, romancière, Susana de Sousa Dias, vinéaste, programmatrice, Jérôme Diamant-Berger, cinéaste, Georges Didier Huberman, philosophe et historien de l'art à l'EHESS, Jean Dubrel, cinéaste, monteur, Stéphane Elmadjian, cinéaste-monteur, Abbas Fadel, cinéaste, David Farou, enseignant-chercheur en cinéma, Laurence Ferreira-Barbossa, cinéaste, Geneviève Fraisse, philosophe au CNRS, Stéphane Gatti, réalisateur, Sylvain Georges, cinéaste, Stéphane Gérard, cinéaste, Patrick Grandpéret, cinéaste, Yann Gonzalez, cinéaste, Clarisse Anne, plasticienne, cinéaste, professeur aux Beaux-Arts de Paris. Jacques Kébidian, cinéaste. Nicolas Kohls, cinéaste. Elisabeth Lebovici, cinéaste d'art. Marie-Josée Mondzin, philosophe. Gérard Mordilla, romancier, cinéaste. Olivier Neveu, professeur d'études théâtrales à l'ENS de Lyon. Vladimir Perisic, cinéaste. Elisabeth Perceval, cinéaste, Jean-Gabriel Perriot, cinéaste, Jacques Richard, cinéaste, Jocelyne Saab, cinéaste, Eliane Sivan, cinéaste, Lionel Soukaz, cinéaste, et Jao Trabara, plasticien, cinéaste, professeur au ZKM. Voilà, c'est un texte d'un collectif, il concerne apparemment essentiellement des personnes du cinéma. J'aurais volontiers ajouté ma signature en tant que photographe, du nom de Valka, et oui, parce que pour ce que j'en ai vu, des images et des extraits, et ce que j'en ai lu, effectivement, cette utilisation des images est plutôt dramatique et de très très mauvais augure au milieu d'en plus un projet de loi qui est en passe d'être totalement adopté, installant définitivement l'état d'urgence dans l'état de non-droit français et beaucoup de procès d'intention à venir. Hélas, je le crains, en utilisant des images que des personnes comme moi sont censées faire pour retranscrire de ce qui se passe et en leur faisant dire n'importe quoi et surtout ce qu'elles ne disent pas. C'est assez effectivement plus qu'inquiétant et ça mérite d'être fermement dénoncé. Donc ce texte, cette tribune signée d'un collectif est à retrouver sur libération.fr. Il a été publié le 28 septembre 2017.